suis son échanson. Et jamais dans ce bois je ne me sens tout seul. Tout seul. Ciel baigné de lumière, ourlé par les nuages, aux splendeurs océanes issues du fond des âges, vous déclenchez ce soir un flot de poésie. Je célèbre ton œuvre sans source d'hérésie, à travers des refrains emplis de vie sauvage, l'albatros Baudelaire se pose sur ma page. Mes muses préférées me portent dans leur cœur. L'or au cœur d'or distille un parfum de liqueur. Et Louise me chante en sa magique langue la folle note bleue pour que ma raison tende. Ciel baigné de lumière, ourlé par les nuages, aux splendeurs océanes issues du fond des âges, vous déclenchez ce soir un flot de poésie. Je célèbre ton œuvre sans source d'hérésie, à travers des refrains emplis de vie sauvage, l'albatros Baudelaire se pose sur ma page.